Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Panique. Il est 19h13, bienvenue dans Où ira bien, qui où ira le dernier, avec un petit peu de retard. On a eu quelques soucis techniques, mais on est très heureux parce qu'on va l'avoir ce live. Célia Jankowski est venue pour ça ce soir. Bonsoir Célia. Bonsoir. Merci d'être venue parmi nous. Et Célia a préparé un live pour vous, auditeurs de Radio Panique. Elle a ramené son Casio, son sampler, ses pédales d'effet, sa mixette. Et sa voix, on l'écoute pour commencer avec 3 minutes de live. On entendra un direct un peu plus long avec Célia Jankowski à la fin de l'émission, un quart d'heure. Voilà, là on commence, histoire de découvrir ton univers, Célia, pour 3 minutes. Tu rêves, là. Je rêve que des belles choses. Des fois, souvent la nuit, je rêve des loups. Et je crois qu'il y a un petit garçon à l'école qui pleure des fois parce qu'il rêve des loups. Alors, il pleure en criant sa maman parce qu'il croit que c'est un vrai loup. Et moi, je crie jamais parce que c'est pas vrai que c'est des loups. C'était Julia Jankowski pour Radio Panique. Merci beaucoup, Célia. Donc, tu as préparé ce live spécialement pour nous. Qu'est-ce que tu es venue présenter aujourd'hui? Oui. Depuis, en fait, je m'y suis mise lundi. Et voilà, j'ai récupéré un petit peu du son à droite à gauche. Et puis, j'ai récupéré un petit Casio au marché du jeu de balle, MA220, là. Et voilà, bon, du coup, je m'amuse un peu avec. Bien, pendant une heure, ce dimanche, j'espère que vous êtes bien au chaud. On va découvrir ton univers, on va explorer 4-5 projets, des fils conducteurs, peut-être on peut dire la performance, l'improvisation. Comment toi, est-ce que tu définis ce que tu fais ? Ouais, au départ, c'est plutôt l'impro. Et puis, en fait, c'est depuis que j'ai rencontré Ismaël et David qui jouent avec moi dans Vitas, que je suis plutôt passée, on va dire, un travail de compo. Et voilà. Et du coup, maintenant, je navigue un peu entre les deux. Donc, le morceau que qu'on vient d'entendre, tu l'as composé, il va faire partie de ton ouais. nouveau projet solo. Oui, bon là, c'est composé, oui, on peut dire ça, oui. Après, voilà, l'idée, là, c'est un premier jet, on va dire, et puis, voilà, essayer de rajouter peut-être plus de voix, des choses comme ça, ou le casser un peu plus, quoi, avec plus d'impro à l'intérieur, voilà. Construire plus pour déconstruire. Encore. Voilà. Et donc, tu disais plus de voix. C'est vrai que dans ce nouveau travail, il y a l'idée d'explorer plus ta voix. J'allais dire oui et non, parce qu'en fait, il y a à peu près 8 ans, j'étais plutôt vraiment que dans la voix. Et j'avais vraiment laissé tomber tout ce qui était instrument. On va entendre des choses de ce moment-là. Dans quelques minutes. Ouais. Voilà. Et puis là, du coup, ben là non, c'est vraiment les deux en fait. Les deux me plaît et voilà, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Et tu navigues dans différents milieux, notamment celui de la noise, la musique expérimentale. En quoi tu te reconnais dans ces musiques-là et dans où tu en sors de ces codes? Enfin, il y a à la fois tu adhères. À ça et bah, tu t'en détaches. La noise, c'est juste que déjà moi ça me fait du bien. Je suis un peu maso, je suis un peu du style à me foutre du gros bousin dans les oreilles et puis voilà, ça, moi ça me calme en fait. Donc du coup quand je me retrouve dans ma cave, ben, je fais la même chose, j'envoie du gros bousin, je me démonte bien les oreilles et puis après ça va mieux. Et tu penses aux gens qui vont le recevoir, ça ? Voilà, alors du coup, effectivement, des fois, apprendre à faire aussi avec le public. Enfin, moi, souvent, on m'a un petit peu fait le retour, des fois, que voilà, que j'envoyais du son un peu trop fort. Et c'est vrai que c'est une responsabilité aussi, dans le sens que des fois, quand tu balances vraiment du gros son... Tu démontes les oreilles des autres, mais vu que les tiennes sont déjà démontées, voilà. Ouais, pourquoi pas aussi arriver à faire des choses plus calmes, plus douces. Ce qu'on vient d'entendre, en tout cas. Voilà, exactement. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Et du coup, les retours, en fait, dès que je me mets un peu à crier, ça crame direct dans le casque. Ouais. Donc, pareil. Donc, en fait, je vais pas crier et je vais faire des sons vraiment pas forts tout le long. Ok, performance spéciale pour les studios de Radio Panique. Voilà. Donc, à propos de noise, on va parler d'un projet solo. Ton premier projet solo que tu as développé il y a quelques mois, on l'appelle le projet des mouches. Je ne sais pas s'il a un autre nom. Non, je n'ai pas encore éventuellement pensé à un titre ou je ne sais pas. L'idée de départ, c'est vraiment la petite bestiole, hein, c'est la mouche. Donc, voilà, pour le moment, je suis... Après, voilà, ça m'évoque plein de choses. Je pars dans mes petits délires par rapport à cette petite bête, mais je me suis dit, ouais, j'avais pas envie d'indiquer quoi que ce soit par rapport à la performance. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit mouche. Comme ça, les gens, ils viennent avec rien derrière la tête et puis... Voilà, ils se font leur univers à eux en entendant la musique, quoi. Ben on va faire pareil, on va écouter donc un live. Un extrait, parce que le live il fait 20 minutes, donc là c'est juste un tout petit extrait. Et après on pourra écouter aussi la création, voilà, on reprendra la parole. Ouais. Donc on écoute Célia Jankowski, un live. Thank you. Alors, on vient d'entendre un live. T'as déjà présenté hein, le projet plusieurs fois. On a pu te voir au Labo du Recyclard et au Central. Voilà. C'est quand même un projet qui demande un dispositif particulier, et notamment en amont. T'as fait tout un élevage. Oui, exactement. Et du coup, je me suis rendu compte aussi de la difficulté du projet, parce que effectivement. Voilà, d'élever des mouches. Au bout d'un moment, j'ai dans tout mon appartement, il y avait plein de mouches qui se baladaient. En fait, il faut se dire que la mouche, elle a une durée de vie de 3 semaines maximum. Des fois, au bout de 15 jours, c'est fini déjà. Donc, quand on veut répéter ou des choses comme ça. Voilà, bon, il faut s'organiser, et puis c'est surtout qu'en plus il faut les transbahuter d'un bocal à un autre. Enfin bon, c'est tout un. Il faut qu'ils fassent une certaine température, parce que sinon elles peuvent mourir d'un coup avec un petit coup de froid. Enfin bon, voilà, c'est. Donc là, t'as arrêté temporairement et tu. Oui, du coup, je l'ai fait parce que c'était un petit défi, quoi. Je me suis dit, bon, allez, on y va, quoi. On le fait jusqu'au bout. Mais après, deux fois, j'ai fait ouf, quand même, c'est un peu lourd, quoi. Donc, pourquoi pas, là, j'ai une proposition éventuellement d'Awamesque qui me disait pour le mois de juin. De le retenter, voilà. Après, il faut juste que je vois si c'est possible au niveau de l'organisation. Et au niveau de la diffusion, tu as déjà pensé à d'autres réseaux que la Noise ou les cafés-concerts? Je pense notamment à l'art contemporain. Ouais, c'est juste que... Bon, de toute façon, on sait bien comment ça se passe. C'est des milieux très fermés. Voilà, c'est du copinage très très fort, et puis c'est un nom, il faut être connu, etc., pour voilà, participer à des festivals de performance. Mais je l'avais proposé, bon là j'ai jamais eu de réponse. Après, moi je suis pas très très fan de tous ces milieux là je suis assez bien, justement, pour moi, voilà, quand j'ai présenté le truc au Café Central, bah, c'était pour moi un endroit assez chouette, quoi, idéal. Finalement, le public, il a été à l'écoute. Il y a un public très sympathique là-bas, et c'était chouette, quoi. Alors, on va écouter une création sonore issue de ce travail, Célia avec les mouches. Et c'est une création que tu as réalisée dans le cadre de La Coquille. C'est un collectif qui se retrouve à l'atelier de création sonore et radiophonique de Bruxelles. Et ce projet-là a été mixé par Christophe Rowe. Oui, et monté, et puis ouais. Créé aussi, parce qu'on l'a fait ensemble, en fait. On a tout fait ensemble, au départ, les enregistrements, la compo. On a vraiment travaillé à deux, quoi. Très bien. Donc, une création à deux. Célia Jankowski, Christophe Rowe. Thank you. Voilà, sur cette petite balade de mouches, on continue avec tes projets, Célia. On va parler un peu du collectif Achaka. Peut-être certains d'entre vous le connaissent, c'est un collectif tentaculaire hein, qui existe depuis un peu plus de 10 ans. Bien, ouais. Plus même. Ah oui. Ouais. Ils indiquent ça. Mais, Ah oui, oui. Et qui rassemble énormément d'artistes, plus de 80, plus de 200 productions. C'est aussi un label hein, de musique indépendante, Lo-Fi Records. Comment toi, tu as fait leur connaissance hein? Ils sont basés en France. En fait, il y a un peu... Tout le monde est un petit peu partout, on va dire. Mais au départ, c'était... tout simplement, on était au Beaux-Arts ensemble, et, en première année. Et donc, du coup, voilà, Guillaume Gabory, alias DMC, avec qui j'ai fait un live il n'y a pas longtemps. On entendra un extrait. Voilà. Du coup, il y avait toute une petite équipe assez sympa... qui, ma foi, était un petit peu... on ne savait pas trop qu'est-ce qu'on faisait vraiment dans cette école. Et du coup, il y en a pas mal qui se sont mis à faire du son, quoi. Et là, ça c'est venu égayer notre quotidien, on va dire. Et moi, c'est vrai que le son, je l'avais mis un petit peu de côté, parce que, voilà, moi, au départ, je venais d'une formation classique, où j'ai fait du piano, machin, tout ça. Et donc, à 15-16 ans, j'ai fait la grosse fracture avec le milieu de la musique, n'est-ce pas? Après 10 ans de traumatisme. Et du coup, c'était un peu un gros break. Et là, au final, je rencontre tous ces gaillards qui sont bien, bien énervés, à travailler le son, quoi. Et du coup, je recommence à me mettre dans le monde de la musique, on va dire. Donc ça, c'était il y a 8 ans, quelque chose comme ça. Plus. Plus encore. On va écouter un peu. Il y a 15 ans, déjà. Non, on va écouter un peu ce que tu faisais alors dans ta jeunesse. Oui, alors, là, les morceaux, ils sont un peu... Parce que voilà, quand je parle des Beaux-Arts, c'était il y a 15 ans, donc, effectivement. Et du coup, le collectif s'est vraiment mis en place il y a 12-13 ans, quoi. Ouais. On va écouter un morceau qui s'appelle Culasse, hein, suivi d'une improvisation, qui n'a pas de nom. Thank you. C'était deux créations de Celia Jankowski. Et à présent, on écoute un troisième morceau, ça s'appelle Mundo Accordéon. Thank you. Célia. Qui continue de peaufiner le live que vous allez entendre en fin d'émission. Donc là, c'était le morceau Mundo accordéon. Sur celui-ci, on t'entend aussi au clavier, à l'accordéon. Oui. Et c'est une construction quand même. On parlait de noise, mais finalement, on voit que tu brasses plein d'autres choses. Là, il y a quand même une construction forte de la musique. Ah ouais, j'ai oublié d'éteindre mon... Ah merde! Ah, t'as raccroché au nez de quelqu'un d'important? Oui, voilà. Un producteur qui est en train de nous écouter? Bon, je suis désolée, Daminou, je vais devoir couper le téléphone. Il sait pas qu'on est en direct. Ah si, il doit le savoir. Alors, peut-être qu'on n'est pas sur la FM. En tout cas, vous pouvez nous entendre sur www.radiopanique.org. Ouais. Oui, je disais, c'est proche de la musique contemporaine aussi comme type de construction. Donc, t'as beau être détaché, tu disais tout à l'heure. Ouais, après, moi, je. Enfin, comment dire je l'ai quand même fait intuitif, quoi. C'est-à-dire, là, c'était. Je découvrais un petit peu. Nuendo, Samplitude et tout ça. Donc, j'étais là, voilà, je mets le son et je fais du montage et je m'essaye. Mais c'est vrai qu'après, quelque part, j'avais pas du tout derrière la tête des constructions, voilà, de type voilà, musique contemporaine ou tout ça, quoi. Je suis pas forcément là-dedans, quoi. T'as pas collé d'étiquette, mais finalement... Après, oui, voilà. Est-ce qu'intuitivement, ça va là-dedans, finalement c'est possible. Mais c'est vrai que, voilà, le dernier morceau, là, c'était vraiment... voilà, on jette, claque, on met dans le... Et puis on fait du montage en une soirée, et puis voilà. Alors toujours dans le collectif HAK, tu as joué en duo récemment, tu le disais, avec Guillaume Gabory, alias DMC. Il a plein de noms aussi, il a Benoît X aussi, et puis... j'ai oublié, mais il y en a quelques-uns. Donc ça fait partie donc, des gaillards dont tu parlais voilà, tantôt, ouais. On parlera d'Antoine Maubin après. D'entendre Maubin, d'ailleurs. On va écouter un live, un extrait de live qui a été enregistré à la Compilothèque il n'y a pas longtemps. Le live DMC. Avec DMC, ouais, je crois que c'était avec Antoine. Ouais. Très bien, on écoute. Donc, court extrait dans le début de live, hein. Donc évidemment on a là l'introduction, mais tu vas nous expliquer un peu, c'est vrai que c'est assez visuel ce qui se passe. Donc lui, DMC, Guillaume Gabory, travaille à partir de vinyle. Il a une platine, hein, et des pédales. Et donc en fait, à la place du saphir, par exemple, il va mettre une petite pointe. Voilà, un métal, et là c'est ce qu'on entendait au début en fait. Donc il fait tourner le vinyle, le rayon à moitié. DMC avec ce nom, je m'attendais à du hip-hop, enfin avec une influence plus afro-américaine. Mais carrément, il est carrément hip-hop, là on l'entend pas trop, mais voilà, il balance pas mal de beats hip-hop. C'est quand même, ça prend sa couleur quoi. Après complètement fucké quoi. Mais Et donc toi derrière tu as la voix. Oui voilà. Après c'est vrai que à écouter comme ça c'est un peu raide. C'est toujours pareil. Enfin le principe un peu la perf c'est aussi de voir aussi la personne. Et c'est vrai que voilà moi me réécouter. Enfin, réécouter des perfs, des fois, ça me parle pas trop, parce que c'est vrai qu'il y a... C'est vraiment une interaction aussi avec la présence de la personne, quoi. On va quand même monter un petit peu, on va se taire quelques secondes, et on va entendre, donc, toi, tu as la voix, et les mouches réapparaissent. Oui. Donc en effet, on est un peu plus dans ce dont tu nous parlais au début, dans la cave où tu as besoin de lâcher. On t'entend crier, il y a un chien. Tantôt, on a entendu un loup. Le chien, c'est moi. Oui. Les animaux sont une source d'inspiration pour toi, Seigneur. J'aime beaucoup les animaux. Alors, les chevaux j'aime beaucoup les chats aussi, les chiens, les chevaux. Alors, Antoine Maubin, un autre gaillard d'Achaka, qui est aussi dans l'univers musique improvisée, art radiophonique, qui fait des compositions, notamment à partir de prises de son. Ouais. Comment vous êtes rencontrés musicalement? Alors, pour tout dire, Antoine, en fait, c'est l'ami d'une amie du lycée avec qui j'étais. Tout simplement. Et du coup, il faisait partie du collectif, mais on ne se connaissait pas forcément. Et donc, vu que, voilà, il a rencontré Sylvette, qui était, voilà, une grande amie, qui est toujours une grande amie. Et du coup, voilà, on s'est fréquentés petit à petit. Puis on s'est dit, pourquoi pas faire du son ensemble. Et voilà, de temps en temps, on se croise. Alors, on va écouter ce que vous avez fait tous les deux avec Antoine, qui vit à Paris. Ouais. Et qui, vous pouvez aller entendre, il a des créations sonores sur le site d'Arte Radio. Arteradio.com. Qui nous reste dans Où ira bien qui ira le dernier, reste 6 minutes. Célia nous a peaufiné un live, donc on va passer directement en live. On verra si notre ami de Reggae on Sunday qui suit vient ou pas, si la Jamaïque va sortir de chez lui ce soir avec le froid qu'il fait. On tremble dans les studios de Radio Panique. Mais Célia Jankowski est là pour vous, pour nous ce soir. On va l'écouter en live dès maintenant. On a peur la nuit. Mais moi, quand je veux me lever, je cours tout de suite dans la chambre. Vous ferez vite la lumière parce que j'ai peur que un loup m'attrape. Alors je cours vite. Et un jour, j'ai couru. Et quand j'ai couru, je me suis cognée là. Et puis, et j'ai même pas pleuré parce que c'était pas, ça faisait pas mal. Je raconte des trucs aussi que de la mer. À l'école, on a dors, mon petit loir, dors, un petit loir qui D'Or. Dors, mon petit. oui, que le clair, oui. Oh, avec le moment, malgré l'autisme, de mon éclair. Excusez-moi, c'est oui. Oh, Célia Jankowski, c'était un live préparé pour vous, auditeurs de Radio Panique. Merci beaucoup, Célia. Merci à vous. Alors, comment tu te sens après cette première présentation, ce projet solo qui prend forme? Bien. Voilà, et je veux bien que tu me baisses un petit peu. Ouais. Ah mais oui, tu étais au maximum. J'étais au maximum parce que voilà. Je faisais péter le son. Le niveau casque. Et là, du coup, je m'entends plus du tout. Ah, voilà, super. Okay. Merci. Très bien. En fait, on avait prévu aussi de discuter autour d'autres projets, le duo Vopo, une création Sicta Fatale et des enfants, et le trio Vitas Gerulaitis. Mm-hmm. Il nous reste peu de temps, donc en même temps... Il n'y a personne. En tout cas, il y a nous. Oui. L'animateur de Reggae on Sunday n'est pas encore arrivé. Donc, ma foi, vous allez entendre encore quelques minutes nos accents chantants du Sud. Oui, exactement. On commence avec, dans l'ordre, le duo Vopo. On peut écouter un petit extrait, ouais. Ouais. Donc, on va écouter Chinoise ou Chinoise. Ah, mais ça, c'est pas vous. Ah oui, c'est non. Oui. On peut passer direct... au morceau Vopo. Ouais. Allez. JP, il nous suit. Ouais. I'm so sorry. Alors ce duo Vopo, c'est à nouveau dans un esprit performatif, oui. Ce qu'on entend là. Et j'ai vu une photo, vous êtes pas costumé, mais enfin il y a une mise en scène particulière. Oui, en fait l'idée c'est qu'on s'habillait exactement de la même manière, tous les deux. Et on était pas mal inscrits dans le mouvement queer, on va dire. Oui. Donc voilà, en gros on abordait les questions du genre, n'est-ce pas ? Lèvres en levrette, les glottes glapissent et les boucheries en cul de poule. Voilà, tout est dit. Donc c'est un projet avec Anaëlle Onyx, on l'a pas encore cité. Oui, qui est musicien aussi. Et là, c'est consacré principalement à la voix même à cappella. Voilà, en fait, au départ, c'était un petit peu ça le challenge, c'est deux voix et punt, quoi. Aucun effet, rien, deux micros et puis voilà, il y a nous deux et on débarque, on se plug sur la sono, ou pas d'ailleurs, parce qu'on a déjà fait aussi des perfs a cappella, puisque le lieu nous donnait la possibilité de le faire. C'était d'ailleurs pour une expo, non? Oui, ouais, ouais. Et du coup, on, là, on était même dans, on va dire, dans le déplacement. On jouait là-dessus aussi. Et donc, voilà, c'était assez, assez rigolo. En quoi, toi, tu t'es retrouvée, tu disais queer. C'est quelque chose qui te, je sais pas, ce mouvement-là. Oh ben oui, ben si, ça, c'est un mouvement dans lequel je suis inscrite entre guillemets depuis, enfin voilà, qui me touche beaucoup depuis longtemps et enfin en tout cas, bref. Et du coup, c'était naturellement avec Anaëlle qu'on s'est dit, bon ben voilà. Allez, Anna. Ah là, on passe à une autre écoute. C'est l'écoute avec... Je peux le commander, le commenter avec aussi. C'est la chinoise ? Non, ça c'est, la ça c'est une... Avec les enfants ? Voilà, c'est un petit montage sonore après un atelier avec des enfants à Molenbeek. Ok, bon, on va l'écouter et puis on en... comme ça on en profite et puis on en parle après. C'est donc un extrait d'une création que tu as mis en place, que tu as animée avec des enfants de Molenbeek. En fait, l'idée, c'est là, ce qu'on entend, c'est ça s'accompagne de montage de films Super 8. Et donc, en fait, on récupérait des bandes. Après, les enfants choisissent les images qui leur plaisent. Et après, on gratte, on met de la peinture, on fait plein de choses sur les bandes. Voilà, pour les rendre les plus... enfin, voilà, les fucker le plus possible. Et puis, ensuite, on a fabriqué une table sonore ensemble, où donc les enfants ont pu voilà, prendre des clous, des fils de fer, des élastiques, plein de choses. Et le principe, c'est donc mettre deux piezos sur la table en bois. Et du coup, ça fait résonner tout ce qui se passe dessus. Et voilà, et du coup... Ça donne la bande originale du film. Voilà, en fait, normalement, il y a des images qui vont avec, voilà. Très bien. Et comment ça s'est passé ? C'est facile de faire... c'est quand même de la musique expérimentale, ce qu'on entend, les enfants. Il y a une liberté ou peut-être une légèreté La musique, en fait, ça se passe toujours bien. Après, là où c'était un peu plus compliqué, c'était par rapport aux bandes de Super 8, qui sont toutes petites, qui sont... C'est un travail assez minutieux. Donc finalement, sur un groupe de 15, j'avais 3 enfants, voire 4, qui avaient la patience de se poser pendant 3 heures à gratouiller avec un petit cutter... des images, image par image. Donc il faut savoir que ça fait même pas un centimètre sur un demi-centimètre, quoi. Donc voilà, alors que les autres enfants, voilà, ils avaient un peu la patate pour bouger. Donc du coup, au bout d'un moment, j'ai séparé, j'ai fait plusieurs groupes, quoi. Un groupe plus calme qui se coltinait les images, vidéo, voilà. Ouais. Et puis les autres sur le son. Voilà, les autres, ils pouvaient aller courir, crier, fabriquer des instruments. Et donc du coup... Donc il y a cette table sonore dont tu parlais. Vous avez travaillé le chœur aussi ? Oh, ben là, c'était assez simple. On était dans une grande salle et puis je leur faisais des petits exercices un petit peu théâtre comme ça. C'est toi qui leur faisais peur ? Non, voilà, non, là, je leur disais de crier, des choses comme ça. Voilà. Alors, un dernier projet. On va parler rapidement de Vitas Guerrillaitis. On a déjà reçu un des membres de Vitas, Ismaël Colombani, qui est un de nos premiers invités. Tu te souviens, JP? Et donc, vous avez un projet, tous les trois. Il y a un premier album qui est sorti sur Cheap Satanism Records. Et là, le deuxième album est en préparation. En préparation, mais d'abord, il va y avoir un split avec le groupe Zéro. Ce sont des ex-membres du groupe Bastard. Vieux groupe mythique des années 90, lyonnais, entre autres. Et voilà, ils ont un nouveau groupe, voilà, ils sont à Paris, et qui s'appelle Zéro. Et voilà, l'idée de se faire une face chacun. Ah oui, comment ça? J'allais dire un 45 tours, mais ça va être un peu plus qu'un 45 tours, je sais plus comment on dit. En tout cas, vous voulez sortir un vinyle? Oui, un vinyle, pardon, ouais. Un vinyle où on aurait chacun une face. Très bien. Le split, comme on dit. Un split, voilà. Ah ouais, et du coup, pour cet album-là, plus de CD, plus de support CD? Là, je ne pense pas qu'on va sortir, non. Pour le split, on le fait uniquement en vinyle. Et après, l'album, le deuxième album, oui, ce sera vinyle et CD. Alors, on va écouter un morceau de Vitas Guerrillaitis. Tu as choisi « Cellule invisible ». Pour une raison particulière. Peut-être on t'entend aussi. Oui. Bon, on va dire qu'au début qu'on a fait le projet, moi, je n'étais pas forcément à l'aise avec le chant. Et là, plus on avance dans le temps, plus je m'y mets. Donc au départ, c'était voilà, plutôt Ismaël qui était voilà, parti chant. Et donc oui, j'ai choisi Cellule invisible parce qu'au moment donné, voilà, je m'excite un petit peu vers le milieu. Donc on m'entend un peu crier comme ça. Cellule invisible, Vitas Guerrillaitis, dans Où ira bien, qui ouvra le dernier. Moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis Rebonsoir. Où irait bien qui verrait le dernier, c'est la fin. Célia Jankowski nous a accompagnés pendant cette heure passée. Merci beaucoup Célia. Pas Chloé. On peut annoncer déjà que cette émission va être rediffusée comme d'habitude, hein. Le live, le concert, ça y est. Le direct a lieu tous les deuxièmes dimanches du mois et vous pouvez nous réentendre le quatrième. Donc ce sera dimanche 26. Entre-temps, une soirée qui peut t'intéresser, Célia. Il s'agit d'une mini panic party sur les questions de genre. Il y a eu toute une programmation durant le mois de décembre. Merci Adrien pour ça. Et on va fêter ça avec des concerts live et des DJ. C'est au 123, le squat de la rue Royale, au 123 rue Royale. Et c'est le 24 février. Voilà, on vous attend nombreux. D'ici là, n'hésitez pas à écouter en boucle les émissions Où ira bien, qui verra le dernier. Pour ça, vous pouvez aller sur notre blog ouirabien.blogspot.com. Merci à JP pour la technique. Hein, merci encore. JP. Salut, avec plaisir. Super. JP, notre fidèle technicien. Et ma foi, bon courage pour les semaines d'hiver qui vous restent. Et puis on se retrouve deuxième dimanche de mars, peut-être avec Dépôt Taxe pour ceux qui le connaissent. À bientôt, merci Célia. Merci.